Dolbo Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement $175 aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois ou obtenez $11,000 sur certains camions. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. C'était le Focus Group organisé par le groupe qui tente de ramener des expos. Ça se déroulait hier et avant-hier à Montréal. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont participé à ça. C'était fait sous deux formes. Un Focus Group en anglais, un Focus Group en français. Et un qui a participé, je m'en ai bien douté qu'il était là, c'est le plus grand partisan de l'histoire des expos. Vous le connaissez tous, c'est Perry G. Salut Perry. Salut Dave. Perry, comment tu as trouvé ça l'organisation? Oh my God, c'était vraiment, vraiment bien fait. Là. C'était professionnel. Tu savais exactement les réponses qu'ils voudraient. Ils ont demandé des questions sur le stade, la toile, la bouffe, le stationnement, le métro, le stationnement, tout, ils ont tout couvré, là. OK. My God, c'est mieux que dans le temps de Claude Brochu. Claude Brochu, il disait de ne pas venir au stade. Bon, laisse faire Claude Brochu, là. Lui, il organisait seulement son compte de banque, là. Ouais, il n'organisait rien d'autre. Oui. Perry, si on parlait un peu, je regarde ce qui est ressorti de ce focus group-là, ce que j'ai lu à travers les branches... Beaucoup de monde veulent un petit stade, ça c'est vraiment pas surprenant. D'ailleurs, les expos n'ont jamais eu de vrai stade, à part le parc Jarry, que je me rappelle pas d'avoir, parce que j'étais pas au monde, là. On dit que c'était un stade avec une belle ambiance, mais faut aller aux États-Unis pour comprendre que Montréal a jamais eu de vrai stade de baseball. Par contre, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, et j'espère que les propriétaires, les nouveaux propriétaires pour ramener le baseball n'en tireront pas compte, parce que je pense que les amateurs se trompent. Ils veulent pas de toit rétractable. Et ça, un toit rétractable, je m'excuse, c'est un mal nécessaire au Québec. Tu vois, ça c'était le seul point dans le groupe là hier que tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait la gang qui ont dit on a vraiment besoin, comme tu es en train de dire, puis tu avais du monde qui ont dit Gab, check Minnesota, check Boston, check whatever. Il y a des endroits comme ça qui n'ont pas de toit. Garde. D'après moi, moi non plus, je veux pas de toit. Non, je vais prendre les deux, mais non, je pense pas qu'on a besoin. Mais Perry, non, si on s'inquiète vraiment pour le mois d'avril, on jouera au Stade olympique pour le mois d'avril. C'est tout. Perry, là-dessus, là, moi, je suis pas d'accord, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je suis un gars des régions, OK? Tu es à Montréal, c'est sûr, tu es un gars des régions. Puis même à Montréal, je suis même pas sûr de ça. Il y a apparence de pluie. Vas-tu aller au match ou tu n'iras pas? Toi, tu vas y aller, c'est sûr, là. Tu es un mordu. Je pense qu'il y aurait une tempête de 50 cm de neige, puis tu seras au match. moins 10, moins 20, tu seras au match pareil. Mais mets-toi dans la peau de monsieur tout le monde ou de la petite famille. Il y a apparence de pluie. Tu vas-tu y aller? Pas sûr que tu vas y aller, tandis que toi, c'est sûr que tu vas te présenter. Le toit va se payer tout seul. C'est un bon point aussi. Si tu viens du région de Sherbrooke, Granby, où c'est quand même 1h30, 2h. Saint-Lac-Saint-Jean. Ils sont des gros fans de baseball aussi. Peut-être t'as raison pour ça. Moi, honnêtement, ça me dérange pas. Je suis pas un fanatique, mais pas toi, mais je comprends les deux arguments. Mais le point, c'est que ils vont sauver beaucoup de cash. Puis moi, j'avais dit ça aussi. Au moins, avec le toit, ils vont être capables de faire d'autres choses pendant l'année aussi. Céline Dion peut jouer là 30, 40 fois par année. Ben oui. Tu peux avoir des autres genres de spectacles parce que la Stade olympique, il finit pour les spectacles. Là. Le Monster Truck, oui, mais c'est tout. Oui, c'est clair. La bouffe, l'activité familiale. Moi, je me rappelle d'avoir été à Cleveland, à Détroit. Perry, je me rappelle, il y avait eu un feu d'artifice le soir. Donc, la petite famille là qui se présentait au match avait pas juste un match de baseball, il y avait en prime un feu d'artifice. Là. Puis c'est un feu d'artifice, c'était plus gros que l'Auto-Québec. Là. Regarde, c'était vraiment génial. Ouais. Là, quand... Donc, est-ce que ça a été, on en a parlé aussi. Ah, c'était très important. Puis moi, j'ai levé ce point-là parce que ça prend une famille de quatre. Qui sont capables d'aller là pour 100$ puis sortir là. Quelque chose que tu peux pas faire avec les Canadiens de Montréal. Ouais. C'est plus un sport familial. Le baseball, c'était toujours un sport familial. Ils parlaient des billets, tu sais, standing room pour 15$, dans bleachers pour 20$, puis c'est exactement ça que je voulais attendre. Puis il va y avoir plein des autres choses, tu sais, les bars, les restos, des activités pour les enfants. You know, ça va être... Tu n'as pas besoin d'être un die-hard de baseball, un maniaque comme moi. Là. Tu peux être, tu veux pas sortir. Ça va coûter la même chose pour aller au cinéma. Tu peux aller au un match des expos. Tu regardes deux, trois manches, tu manges, tu cruises des femmes ou des hommes comme tu veux. ça va être une journée. Ça va être pas seulement le baseball. Puis ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire avec l'Impact ou les Canadiens puis les Alouettes. Ça va être complètement différent. Puis dans style US, dans les styles que tu viens juste de parler, Atlanta, Cleveland, ils montaient nous autres des photos où j'étais comme un chien, là, je savais que c'était incroyable. Perry, écoute, moi, il y a une affaire que j'aurais participé au Focus Group, j'aurais demandé aussi, c'est, moi, je regarde à San Francisco, je regarde, quand je regarde un match au PNC Park, c'est ça qui s'appelle à San Francisco? Oui, c'est ça. Il y a en arrière-plan de l'eau. On voit souvent, puis quand on regarde les matchs des Giants, on voit souvent les gens en canot en arrière. Ça fait partie, je pense, du look du PNC Park à San Francisco. Moi, je suis allé à Pittsburgh également. Pittsburgh, il y a de l'eau également. Je pense que Montréal serait vraiment, je pense, choyé pour avoir ça également. Parce qu'on en a parlé d'avoir un décor en arrière avec de l'eau. Là. Ça serait cute. Oui, ça serait fun. Hein. Il parlait de ça aussi. Il nous montrait... Justement, les photos du PNC, puis à Pittsburgh, ils nous montraient tout ça. Puis c'est sûr, quelque chose comme un McCovey's Cove, là, comme en San Francisco, ça sera super. Tu sais, le look, tu vas être capable de voir les choses de Five Roses, la ville de Montréal en arrière. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Puis t'avais mentionné Jerry Park. C'est même Jerry n'était pas une stade de baseball. Je sais pas, je me rappelle pas. Je te dis, c'était temporaire. OK. Ils ont fait vite fait. Oui, il y avait des... Cet genre de parc, ça serait jamais acceptable aujourd'hui. On connaît pas ça, un vrai stade de balle. On connaît pas ça. Puis, c'est pour ça que le monde dit, le baseball, c'est fini, le monde s'en fout, whatever. Hey, build it, and they will come. Tu vas voir, là. Ça va être comme Field of Dreams. Les gens n'ont jamais... Il faut aller aux États-Unis pour comprendre que Montréal... Moi, j'ai vu 6-7 stades aux États-Unis, là. Et écoute, je suis allé dans le bol de toilette, puis c'est pas pareil partout, là. C'est pas pareil. C'est ça. Puis Bronfman, il est pas fou. C'est carrément pas mal. C'est pour ça que Bronfman, il a amené le monde. Ça, c'est une compagnie du US qui font juste ça. Ouais, ils font juste ça, les études pour les stades. Ouais. Les expos. Je sais qu'il y a du monde qui ont parlé des expos, qui ont parlé, qui aimeraient ça repartir sur d'autres noms. Mais moi, je vois pas. Tu sais, les expos, oui, les gens se rappellent des mauvais souvenirs, mais il y a eu des bons souvenirs également. Je vois Jacques Doucet, il est associé aux expos, puis sa voix et ainsi de suite. Donc, c'est pas juste du négatif. Moi, je pense que si le baseball revient à Montréal, et ça va revenir, c'est une question de temps, là. C'est une question même pas... Je pense d'ici 2 à 3 ans, là, on va revoir les expos. Faut que ça revienne avec le nom des expos. T'es d'accord? Oh, c'est garanti. J'ai pas de doute dans ma tête que ça va être les expos. Le nom s'appartient, le logo, le nom s'appartient à MLB, puis c'est sûr qu'ils vont nous donner, tu sais. Puis on a discuté ça aussi hier. Ouais. C'était même pas une question. On n'a pas parlé de ça du tout. Mais on a dit qu'il faut. La meilleure situation pour nous autres, c'est d'être dans la Ligue américaine. L'Est de la Ligue américaine. Nous autres, les Yankees, les Jays puis les Red Sox. Effectivement. C'est ça. Si on est dedans, là, ça nous garantit le succès. garanti. Ça garantit. Ce serait plus dur côté baseball, mais il y a un autre aspect qu'on n'a pas parlé, Perry, que les gens n'ont jamais parlé. Rappelle-toi, dans les années 80-90, il n'y avait pas de meilleur deuxième, il n'y avait même pas de meilleur troisième. Souvent, non, au mois de juillet, ben le club était déjà éliminé. Ça, personne n'en a parlé de ça. Mais il n'y avait pas, il n'y avait même plus d'intérêt. Tandis que là, le meilleur deuxième, meilleur troisième, ben ça, l'intérêt reste là pareil. Mais c'est sûr que Montréal, écoute, je me rappelle dans les belles années des Red Sox, les pires années des Expos, il y avait 4 000 personnes, puis quand les Red Sox arrivent en ville, puis les Yankees arrivent en ville, ça passait de 4 à 30 000 personnes par match. Donc Exactement. La plupart venaient de l'Est des États-Unis, ça, c'est aucun doute là-dessus. En terminant, Perry, je veux savoir le groupe d'âge. Il y avait, c'était-tu des jeunes, des vieux? C'était-tu mêlé? C'était-tu que. Ça ressemblait à quoi, là, de ce côté-là? Parce que je suis 51, puis je pense que j'étais le plus vieux. So, tu parlais de. Ah, OK, c'est bon, ça. J'ai vu de 30 à 50. So, c'était pas. C'était dans cette range-là, là. Il était 30 à 50. Parce que ça, c'est important, là. Que tu es le plus vieux, c'est important parce que ça assure vraiment qu'il y a de l'intérêt. Les plus jeunes vont être là. Puis ça assure vraiment une clientèle future, là. C'est ça que j'ai mentionné, que ça va être quand les Expos vont retourner, là, ça va être exactement comme 1969. Ah. On va retomber en amour avec les Expos, le monde va capoter, même le monde qui sont pas des gros fans des Expos ou du baseball, je veux dire, tu sais. On a 10 à 15 000 capotants des Expos à Montréal. On a juste besoin d'un autre 10 000 de personnes pour tomber en amour avec la stade puis les activités autour de la stade. Perry, moi, je dis souvent aux gens, les gens qui disent « Oui, mais ça n'a pas marché », faut vraiment se rappeler du contexte. Hein. Écoute, échange Price, échange Pacioretty, échange Weber, donne-les, échange-les même pas, donne-les, fais ça pendant 10 ans, puis en plus, t'as un propriétaire qui dit de ne pas venir. Je ne suis pas sûr que le Canadien, on s'en reparlera du Canadien dans 10 ans, si c'est le même contexte. Ça. Comme tu as dit, même pas échanger, laisse-les partir pour rien. Ouais. Laisse-les partir pour rien, comme Walker. Il a marché pour rien, on n'a rien eu. Ouais. Ou échange Pedro pour what's his name? Carl Pavano, Tony Hermes. Carl Pavano, exactement ça. You know. Ouais. Perry, c'est pas acceptable. Très intéressant, on s'en reparle bientôt, on s'en reparle quand les expos vont arriver. Moi, j'avais dit 2020. Peut-être que ça va être retardé un peu, un an ou deux, là. Peut-être maximum 2020. Je peux attendre un autre, ouais. C'est ça. OK. Perry G, le plus grand partisan de l'histoire des expos.